Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Un algorithme qui allait arrêter les voleurs lorsque l'idée de voler leur traversait l'esprit, ça, c'était le projet de la gendarmerie française et pas celui de Minority Report. Imaginez un monde sans meurtre. J'ai perdu mon meilleur ami. J'ai perdu ma tante. J'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma femme. Il y a 6 ans, le taux d'homicide dans ce pays avait atteint des proportions épidémiques. Il semblait que seul un miracle pouvait stopper l'hémorragie. Mais au lieu d'un miracle, nous en avons eu 3. Les précognitifs. En seulement 1 mois, dans le cadre du programme Précrime, le taux de meurtre dans le district fédéral de Columbia fut réduit de 90%. Ils étaient une bande qui m'attendait dans la voiture. Ils voulaient me violer. J'allais me faire poignarder. Ici. En 1 an, Précrime a effectivement arrêté le meurtre dans la capitale de notre nation. Depuis 6 ans que notre petite expérience a été menée à bien, il n'y a pas eu un seul meurtre. Et maintenant, Précrime peut fonctionner pour vous. Nous voulons être absolument certains que chaque citoyen américain peut compter sur l'infaillibilité totale du système et que ce qui assure notre sécurité peut aussi garantir notre vie et notre liberté. Précrime, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Précrime, ça fonctionne. Le mardi 22 avril, votez oui à l'initiative nationale Précrime. Bonjour Alexandre Leschnet, vous êtes journaliste pour Mediapart. Vous publiez également une newsletter intitulée « Le panier à salade » consacrée à l'actualité police-justice et je vous ai invité pour que vous nous racontiez cette drôle d'histoire, un algorithme que la gendarmerie française avait décidé de formuler, un algorithme qui devait nous permettre d'arrêter les voleurs. Quel était ce projet, Alexandre ? Bonjour. Le projet, il s'inspire de plusieurs pratiques, notamment aux États-Unis, autour d'un logiciel qui s'appelle Predpol et qui est beaucoup utilisé par les polices américaines. Et l'idée, c'est, comme dans beaucoup d'autres domaines, de se dire qu'avec des données, on pourrait prévoir d'autres événements qui pourraient arriver. Donc l'idée, c'est de partir de données, par exemple, des cambriolages et de plein d'autres paramètres et d'essayer de se dire, avec des algorithmes, où est-ce qu'un cambriolage pourrait arriver, dans quelle rue, dans quel village, à quelle heure, et des choses comme ça. Donc ça, c'était l'idée de départ. La gendarmerie a au début beaucoup communiqué sur l'idée que c'était un outil pour le futur, que c'était Minority Report, pas forcément, mais qu'en tout cas, ils s'en gardaient à chaque fois, mais ils aimaient bien qu'on les compare à ça. Concrètement, aujourd'hui, l'outil, il est un peu plus modeste que ce qu'on imagine. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez étrange. Ça existait. Donc, vous dites, dans d'autres pays, comment ça fonctionnait ? Le principe, c'est de prendre plein de données, notamment celles des crimes qui ont déjà eu lieu, et de les comparer avec plein d'autres paramètres. Donc, l'outil américain, par exemple, part du principe que le crime est contagieux à la manière d'un tremblement de terre et qu'on ne sait pas forcément prédire un tremblement de terre, mais on sait prédire ses répliques. Et donc, de la même manière, on pourra prédire où est-ce qu'un crime pourra se prédire une fois qu'on a déterminé le premier événement. Mais ça veut dire que si y a un crime rue du Bois, on peut imaginer que la rue de l'Orée du Bois qui est juste à côté, il y aura un autre crime ? En résumé, grossièrement, oui. Et après, on va essayer... C'est quand même un principe un peu étrange, parce qu'a priori, le crime... Non, parce qu'il y a l'idée de contagion, en fait, et du fait que si on a fait une rue quand on fait des cambriolages et que ça s'est bien passé, ben, autant faire la rue d'à côté, parce qu'on a pu la repérer, ou des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de travaux criminologiques là-dessus, et c'est pas nouveau d'essayer d'anticiper les crimes. Après, il y a l'idée qu'on a maintenant des tonnes de données disponibles et qu'on peut les mélanger, les comparer, analyser et par exemple prendre la météo et voir si la pluie a un effet sur les cambriolages ou non, prendre la proximité d'une route. Et donc l'idée, c'est vraiment de tout mélanger dans une marmite et puis de se rendre compte de quels paramètres on a besoin pour prévoir les crimes suivants. Et donc, en gros, les algorithmes, on les fait tourner sur des anciens jeux de données, donc des crimes passés. On les compare avec tous ces paramètres et ensuite, on essaye de voir si c'est pertinent ou pas et si l'algorithme a bien prédit les crimes qui se sont déroulés ensuite. Donc ça, c'est ce que l'on a vu qui fonctionnait à l'étranger. On s'est dit à la gendarmerie française qu'il nous fallait absolument un machin pareil, Alexandre Leschnet. Oui, alors on ne sait pas si ça fonctionne. C'est ça un peu la magie de ces outils, c'est que on connaît leur pertinence, on connaît leur précision, mais on n'a pas forcément de preuve que l'outil en lui-même réduit la délinquance ou ne chasse pas tout simplement le criminel dans la rue d'à côté. La gendarmerie a effectivement décidé d'utiliser ça. Donc, il y a une première expérience qui a été portée par Etalab, qui est en gros l'agence de l'État qui essaye d'insuffler un esprit start-up et open data dans l'État. Et donc, ils ont essayé de développer en lien avec et la police et la gendarmerie ce genre d'outils, notamment dans l'Oise. Et ensuite, la gendarmerie, sur cette expérience et en se reposant sur une équipe interne, a décidé de développer son propre logiciel. Donc ce logiciel, il est beaucoup plus modeste. Il ne va pas comparer avec tout un tas d'éléments dont on parlait, comme la météo ou comme l'altitude ou des choses comme ça. Il ne prend que les historiques des cambriolages. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois qu'on a pris les historiques des cambriolages? Est-ce que ce principe de contagiosité que vous évoquiez pour les exemples étrangers, il fonctionne aussi en France, Alexandre Leschnet? Alors, ce qui est compliqué, c'est que du coup, on n'a pas d'éléments en fait pour le savoir. Et les seules choses qu'on a, c'est les déclarations des officiels de la gendarmerie qui font l'outil. Et en l'occurrence, eux, ils veulent obtenir plus de budget, donc ils ont intérêt à dire que ça marche. Et un des principaux arguments qu'ils utilisaient, c'était la baisse de la délinquance, en disant que dans les départements où ils ont testé le logiciel, le nombre de cambriolages avait baissé de manière plus importante que dans les autres départements de France. Et ça, quand on regarde, moi j'ai regardé le détail des départements, parce que le chef de la cellule ne parlait que toujours de la moyenne des départements, et en fait, dans ces 11 départements, dans le Puy-de-Dôme, ça a effectivement baissé de 33% le nombre de cambriolages, alors qu'en Loire-Atlantique, ça a augmenté de 22%. Donc on voit bien qu'il n'y a pas forcément un effet flagrant de ce dispositif. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été expérimenté, mais de manière assez détendue. Il n'y avait pas d'exigence particulière. Le responsable de l'outil expliquait que ses consignes, c'était « il y a un outil, faites-en ce que vous voulez ». Et qu'il y avait certains qui l'utilisaient vraiment en regardant la carte, parce que ça ressemble en fait à une grosse carte où les zones où un cambriolage risque de se produire dans les jours qui viennent sera en rouge. Et puis, s'il n'y a rien, la carte est transparente, un peu comme une sorte de carte météorologique. C'est-à-dire que ça dresse, en quelque sorte, des zones à risque. Voilà. Et donc, ces zones à risque, ensuite, à charge pour la gendarmerie, de les surveiller plus que les autres. Exactement. Et de faire... Alors, il y en a qui décident, du coup, de mettre toutes leurs forces sur les points rouges, en disant, c'est là qu'il va y avoir. Et en fait, en montrant des uniformes, les cambrioleurs vont se dire, mon Dieu, je vais pas le faire aujourd'hui, ce qui est un peu le travail, en fait, de la gendarmerie tous les jours, de faire de la prévention. Et après, il y en a d'autres qui préféraient l'utiliser comme un moyen de discussion et d'aller voir le maire et lui dire « Écoutez, dans votre commune, il me semble qu'il y a un risque de cambriolage dans les prochains jours, donc peut-être qu'il faut informer les gens ou faire des tournées de voisins vigilants ou je ne sais quoi. » Et où du coup, c'était pas forcément utilisé de la même manière. Donc déjà, c'était un autre moyen de... Nous, ça nous permet pas de savoir si ça a fonctionné ou pas. Et alors, donc, le résultat des courses, parce que effectivement, on se dit que l'un des risques de ce genre de démarche, c'est tout simplement de déplacer les zones où les cambriolages se produisent. Donc moi, j'ai pas pu parler avec des gendarmes pour comprendre comment ils l'utilisaient. Et la gendarmerie n'a pas accepté de me répondre sur tous ces éléments. Mais interrogé par France 2, on voyait effectivement un gendarme qui était tout content de dire « Nous, on sait que ça va arriver et du coup, on peut les repousser dans le village d'à côté. » Ce qui l'arrange lui, puisque... En fait, tout ça, c'est aussi une question de management et ça permet de repousser, d'avoir des meilleurs chiffres que son voisin. Et donc, effectivement, il y a ce problème-là. En plus, il y a tout le problème de ces algorithmes qui disent « il va y avoir un cambriolage ici demain ». Si le gendarme l'empêche, effectivement, c'est-à-dire qu'on va dire que l'algorithme s'est trompé puisqu'il a prédit un cambriolage et qu'il n'est pas arrivé. Et si le cambriolage a bien lieu... Ça veut dire que l'algorithme avait raison, mais du coup que le gendarme avait mal fait son travail. Donc, de toute façon, il y a une sorte de chose impossible à résoudre là-dedans pour comprendre effectivement si c'est effectif ou pas. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'il en est cet algorithme, Alexandre Leschnet? Que fait la gendarmerie? Que fait la police? Alors aujourd'hui, de ce que j'ai compris, il est accessible pour tous les gendarmes dans toute la France. Donc ils ont considéré que l'expérimentation avait été efficace et permettait une généralisation. Il est toujours disponible pour les cambriolages et pour les vols de voitures. Ils essayent de développer d'autres informations autour, donc notamment la sécurité routière, donc prévoir les accidents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gendarmes, ils sont contents d'avoir un outil comme ça, notamment parce que c'est une version dans la poche des cartes qu'ils pouvaient avoir ou de leur savoir empirique, puisqu'ils voient en gros un historique sur une carte, quelque chose de très visuel, comme Google Maps, de tous les cambriolages. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même utilisé, mais peut-être pas aussi de manière aussi spectaculaire que... On voulait nous l'expliquer en parlant de Minority Report. Est-ce que ça veut dire que la police scientifique, de ce point de vue-là en tout cas, c'est quelque chose qui demande encore à faire ses preuves, Alexandre Leschnet ? Oui, Après, le problème, c'est que c'est aussi des choses où c'est une course en avant, où comme on a c'est difficile de prouver l'effectivité de ces outils. À Los Angeles, ça fait 10 ans qu'ils utilisent PredPol, qui est donc le logiciel américain. Ils ont essayé de faire un audit. Et la police elle-même a dit qu'ils n'avaient pas assez d'éléments pour savoir si l'outil était efficace ou pas. Et où du coup, l'outil sera peut-être effectif, mais on n'a pas non plus les moyens d'en être sûr, et puis on n'a pas beaucoup d'éléments. Sachant qu'il y a aussi tout un tas de problèmes. Un des problèmes principaux, c'est aussi la qualité de la donnée. Il faut que les cambriolages, si on s'intéresse aux cambriolages, ils soient bien marqués. Et là, je lisais un exemple aux États-Unis où il y avait une voiture qui avait été retrouvée dans un désert qui avait été volée. Et du coup, l'algorithme a identifié la voiture dans le désert et a dit, bon ben, selon ces données-là, il y a de fortes chances qu'il y ait de nouvelles voitures volées dans cet endroit désert. Ce qui est un peu l'explication, la voiture, elle n'a pas été volée dans cet endroit. Donc peut-être que les données auraient dû localiser la voiture là où elle avait été volée et pas là où elle avait été déposée. Et donc, il y a aussi tout un travail à faire pour que ces algorithmes, si on veut les utiliser, soient beaucoup plus pertinents, qu'on mette des vraies adresses. Un des développeurs qui a travaillé sur le logiciel en France me disait que les données étaient d'assez mauvaise qualité parce qu'ils n'allaient pas donner le nom de la rue, qu'ils allaient mettre Paris au lieu de même pas l'arrondissement et des choses comme ça. Oui, c'est assez vague. Et où, du coup, c'est vrai que ça entraîne des biais dans ces analyses. Et en plus, il y a toute une partie assez faite pour les cambriolages parce que c'est lié à l'assurance, mais de personnes qui ne vont pas porter plainte. Et ces personnes qui ne portent pas plainte, c'est-à-dire qu'elles sont aveugles pour les données et aveugles pour l'algorithme. Donc, on ne va pas forcément pousser les gendarmes à aller dans des endroits où personne ne porte plainte. Même s'il y a des cambriolages, parce que les gendarmes, ce qu'ils considèrent comme un cambriolage, c'est un cambriolage pour lequel on a une plainte et pour lequel ils ont travaillé. Il y a eu des recherches dans ce domaine, Alexandre Leschnet ? Alors, pour mon article, je me suis basé notamment sur un article de Camille Gosselin, qui est chercheuse à l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France et qui a regardé justement comment marchaient ces polices prédictives et qui a fait une plongée dans cet algorithme des gendarmes, qui a interrogé des gendarmes sur le terrain. Il y en a qui étaient notamment contents de l'outil de management que ça représentait. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'a souligné un chercheur à Marne-la-Vallée qui s'appelle Bilal Benbouzid, qui a lui beaucoup plus travaillé aux États-Unis, puisqu'il n'a pas eu beaucoup d'autorisation en France, donc il s'est plutôt penché sur PredPol. Et il est allé voir comment ça marchait. Et en termes de management, ce qui est intéressant, c'est que PredPol, il ne se contente pas de dire qu'un crime ou un délit va se passer dans une zone. Il marque la zone en orange. Et tant qu'il n'a pas repéré que des voitures de police sont passées dans la zone parce que les voitures de police sont traquées avec un GPS, la zone, elle va rester en orange. Donc d'abord, elle est en rouge, ensuite elle est en orange si on passe une fois, et elle passe en vert si on passe deux fois. Donc il y a un côté un peu bête et méchant de cet algorithme qui va pousser juste des policiers aux États-Unis à aller dans une zone. Donc ça, la gendarmerie, pareil, s'en garde en disant que ce n'est pas un outil qui pousse à l'action, mais plus un outil d'aide à la décision. Mais ça reste quand même des questions à se poser. Est-ce qu'on veut vraiment que toute l'action de la gendarmerie repose sur une machine. Merci Alexandre Leschnet. Je rappelle que vous êtes journaliste pour Mediapart et vous publiez une newsletter intitulée « Le panier à salade » sur l'actualité police-justice. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, gâché par Pierrick Monsigny et Déborah Dagobert à la technique et surtout ruiné par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.